18. Activation orale. Le temps qui passe, ça fait que. Répondez selon l'exemple. Vous voyez. 1. 50 ans. Vous entendez. La grand-tante Amélie est veuve. Et vous répondez. Oh oui, ça fait 50 ans qu'elle est veuve. Bon, allons-y. 2. Les parents de Robert sont divorcés? Oui, ça fait 10 ans qu'ils sont divorcés. Trois. Sa mère est remariée? Oui, ça fait 5 ans qu'elle est remariée. Quatre. La mère de Robert habite en Argentine? Oui, ça fait 9 ans qu'elle habite en Argentine. Cinq. Ils vont en vacances en Bretagne? Oui, ça fait 4 ans qu'ils vont en vacances en Bretagne. Six. Ils jouent au portrait? Oui, ça fait 2 heures qu'ils jouent au portrait.